Hey, salut à tous, ici Dart Sim de FactorGeek.com et au nom de toute l'équipe, j'aimerais souhaiter bonne chance à un nouveau podcast québécois qui débute ce soir. Ouais, le podcast sans nom, bon, ok. Ça peut paraître comme la bouffe sans nom des épiceries, mais on s'entend que ça va être plus de saveur quand même, là. Fait que faites-leur confiance, vous ne serez pas déçus, c'est une très belle gang. Puis je tiens à vraiment à les remercier de rentrer dans notre paysage québécois de podcast parce que on n'a jamais assez, hein. Puis on est une grande communauté, donc bonne chance les boys, puis on se donne rendez-vous un de ces quatre à un moment donné, là. Bye bye! C'est Yannick de Trois-Bières et vous écoutez le podcast anonyme. C'est Pierre-Luc ici pour dire que c'est un podcast qui n'a pas de titre encore. Non, c'est. C'est Julie ici puis je suis vraiment mêlée, je sais pas de quoi qu'on parle. Ok, attends un peu, je check le tapis. Nous, on est Trois-Bières et vous écoutez le podcast sans nom. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce premier podcast officiel de LPSN, le podcast sans nom. On est le 7 janvier 2012. Comment ça va? Très bien. Ouais, hey. Super. Super, victoire de 3-1 du Canadien comme qu'on parlait pendant le pre-show. Ouais. Eh oui, 3 des Habs, 3 l'angle Molière, 0. En tout cas. Je tiens à souligner que pour la première fois de la saison, il gagne 2 games consécutifs. C'est pas une fierté, ce que je viens de dire là. Et une première cette année, le Canadien était vaincu en 2012. Oh! Oh! Oh! Hey, celle-là était facile. Mais pour combien de temps? Peut-être, ouais. Elle était facile. Hey, grosse soirée aujourd'hui. Ah ouais? Hey, je peux-tu te couper, Patrick, 30 secondes? Ouais, vas-y. Je peux juste faire un petit remerciement Twitter. Il y a la gang de Fun Jouer Jeu qui nous ont fait une belle petite plug. Donc, merci beaucoup, la gang. Ouais, puis, hey, aussi, tandis qu'on y est, je voudrais remercier parce que ce podcast-là ne serait pas né sans certaines personnes. Premièrement, Dominique de Factor Geek, conseil. Lundi dernier, il nous en a donné beaucoup. Le site a eu un jump phénoménal grâce à Dom et Daniel de Cinémaniacs. Moi et Max, on a passé la semaine sur le site. Sans vous autres, le site Internet n'aurait pas avancé comme qu'il a avancé. Je crois qu'eux, on ne pourrait pas passer à côté. Je crois que c'est ceux qui ont inspiré tout le monde. La gang de Monsieur Net, la gang de Radio Talbot, je pense qu'on est tous d'accord avec moi. Oui, absolument. Max Tremblay, toi, tu m'as donné le goût de recommencer à faire quelque chose sur Internet, podcast. J'ai déjà fait de la télé sur Justin, j'ai déjà fait de la radio Winamp, j'ai déjà fait de la radio communautaire, mais Max m'a donné le goût de refaire du podcast. La gang de Trois Bières qui ont fait la présentation du début que vous avez écouté, si vous avez un podcast à découvrir qui ne parle pas de jeux vidéo, allez écouter celui-là, ça vaut la peine. Ils ont parlé de nous lors du dernier podcast et c'est le comique d'entendre Métrique Julie démolir mon nickname à écouter. C'est le dernier segment de l'émission de cette semaine. Mais justement, je l'écoutais tantôt, puis sérieusement, je pense que la première fois que j'écoutais le podcast de 3BI, puis je m'attendais pas à ça, puis tous les types de sujets qu'ils parlaient, c'est genre en fait, oh boy, ça fait vraiment changement des podcasts que j'écoute d'habitude, ça. Ah oui, puis c'est tout le monde qui suggère des sujets, et j'avais suggéré à la gang de faire aimer la lutte à Métrique Julie. Je vous laisse découvrir par le podcast. Et en dernier lieu, je voudrais remercier Luc Desormeaux, Scalazormeaux, pour m'avoir conseillé pour les logiciels. Moi, qui est un autodidacte, j'ai eu besoin d'aide et ce gars-là était là toute une journée de temps à me conseiller sur comment bien faire le podcast. Alors, merci tout le monde pour nous avoir aidés pour le début. Comme on a toujours dit, on voit que le milieu du podcast, c'est un petit univers, un petit monde et c'est là que ça a paru. Lynn Bou, qui était notre première invitée sur un pilote improvisé. Et justement, Steve, excuse-moi, je suis coupé, mais justement, Steve Degary sur Twitter de Guy Bécois, la gang de Guy Bécois qui nous encourage également. Donc, on les remercie, on les salue également. Donc, c'est ça, on est une famille, nous autres, les geeks et les nerds sur Twitter, on se rejoint tous, on fait une petite compétition en podcast, mais on se rejoint tout le monde, puis on se retrouverait le temps d'une Saint-Jean, là, puis on serait tellement contents. C'est ça. Puis vous avez aussi Steve Lévesque qui s'avait joint à nous autres de Facteur Geek la semaine d'après. Ouais. Alors, non, ça paraît qu'on est une petite famille et qu'on se soutient tous ensemble, c'est ça qui est intéressant. Passez un beau temps des fêtes, tout le monde! Ben ouais. Pas pire. En général, oui, mais pas de Tintin, malheureusement. Pas de Tintin pour toi? Mais non, j'ai pas eu le temps de le voir encore. Conflit d'horaire. Pas eu le temps de voir Tintin. Ben non. Vas-tu falloir que je t'en parle un petit peu? Non. Non, ben je vais t'en parler. Non, mais quand même, j'ai vu la caricature dans le Bye Bye, par exemple, et j'ai vraiment adoré ça. Quelqu'un et le Capitaine Harbuck, quelque chose comme ça. Avec Louis Morissette et Jean-François Mercier, l'imitation était malade. Ben, ça n'avait pas de bon sens. Moi, je l'ai vu. Et sérieusement, c'est dommage que ce soit un film d'animation parce que j'y donnerais la score du meilleur film. Oh boy! Ben, pourquoi dommage que ce soit un film d'animation? C'est sûr que Tintin va... Ah, ben c'est sûr que Tintin va... Il y a une catégorie film d'animation aux Oscars, fait que c'est sûr et certain que Tintin va être dedans. Ah, ben c'est sûr qu'il gagne. Sérieusement, là... Là, je pense pas que je vais compter d'un spoiler à personne. Là, je pense que tout le monde a lu des Tintins une fois dans sa vie. Mais il y a deux scènes qui valent la peine d'être... C'est le premier film que je suis prêt à dire qui vaut la peine d'être vu en 3D. Première scène qui est la c'est scène que juste que François pose la question. Est-ce que le 3D est nécessaire? Voilà. Racame le roux. C'est pas nécessaire, c'est un bonus. Est-ce que Christopher Nolan est... c'était nécessaire pour lui de prendre la technologie 3D pour juste raconter l'histoire de Batman? Juste cette séquence-là, le dernier pirate des Caraïbes, lui tout seul. C'était pas... Non, est-ce que ça va avoir l'avantage aussi du 3D? Oui. C'est que t'as le choix d'aller voir en 3D. C'est pas comme si les cinémas, t'as le foutais dans la gorge, le 3D. T'as une version B, une version A. Il y a une scène. Parce que moi, dans mes cinémas à Gatineau, ils sont tous 2D, tous 3D. Chaque film a deux versions. Fait que moi, ici, personnellement, je sens pas qu'il y a un peu de force à la regarder. Je vais le voir en 3D, ça me tente. Si ça me tente pas, je vais le voir en 2D. Au moins, je le joue. Je sais pas pour vous autres à Montréal ou plus loin. Moi, je sais qu'à Longueuil, on nous offre les deux versions. Mais es-tu d'accord avec moi que ça l'aurait valu la peine de voir en 3D? Pas de chez moi, ça a eu... J'avais entendu parler des films qui étaient en 3D et ils disaient vraiment que comparé à 2D, tant que, tu sais, mettons, n'importe quel film qui va sortir, venez voir en Real Day 3D ou whatever, tu sais, ils vont te mettre d'intro en 3D, deux fois qui passent aux 5 minutes, puis ça me donne mal à la tête, 3D, je pense pas une bonne personne pour regarder des films tout en long, 3D. Tout le long, 3D était impeccable, mais qu'il y avait personnellement, toutes les scènes moi, c'est que tu nommais là qui, sérieusement, valaient vraiment la peine. À part puis peut-être pour les films d'action un peu comme Avatar ou des choses comme ça. Selon ce que j'avais entendu, Peter Jackson et Steven Spielberg ont vraiment pris le temps de faire chaque storyboard rouge et bleu. Pour moi, c'est vraiment mieux qu'Avatar pour le côté 3D, le même côté animation. Les scènes, si ça embarquait bien ensemble, si ça n'embarquait pas bien, on reprenait la scène. Et Peter Jackson a tellement été content de ce travail-là l'ombrage, qu'il veut là, mon transporter Dieu. Aussi dans Bilbo le Hobbit. Était là, puis elle oubliait que c'était un animal. C'est très intriguant, sérieusement, mais de toute façon, avec Bilbo le Hobbit, c'est vraiment bien fait. Quand j'ai vu le trailer, j'étais comme fou, mais... Bon, personnellement, moi, je suis pas attiré vraiment encore avec le 3D. Là. J'ai pas vu de film 3D à date. Puis je suis même encore content que Christopher Nolan ne fait pas Superman, Dark Knight Rises en 3D. Donc, pour l'instant, je vais laisser la technologie avancer et me surprendre. Simplement. Voyons, juste après que c'est... Christopher Reeve, je voulais t'amener comme point en général, je pense que les films 3D s'en vont de mieux en mieux, je pense pas que c'est mort nécessairement 3D. Avec le problème, ce que tu veux dire au début, selon moi, c'est les films qui ont été tournés en normal et qui ont vu comment Avatar a bien fonctionné et là qui ont décidé d'adapter leur film en trois dimensions, ce qui a donné des échecs monumentaux. Mais là, je pense que les films qu'on va avoir, c'est des films qui ont été pensés 3D, qui ont été faits pour le 3D, que les scènes vont fitter, que ce sera pas juste une disposition d'image comme dans certains films qui sont sortis tout de suite après, là, Avatar, puis qui ont profité de la folie 3D. C'est ça, mais peut-être aussi avec la 3DS, mais c'est ça. Mais le 3D est tellement mal utilisé, tellement mal pensé aussi. Mais j'aimerais pas ça qu'on chiale pour dire « Ah, finalement, The Dark Knight Rises aurait pu être en 3D. » Je m'excuse, là, mais est-ce que ça aurait été mieux? Je ne sais pas. On n'est pas encore sorti, mais on verra bien. Mais le 3D est mal utilisé. Autre nouvelle, Star Trek 2. Benicio del Toro était prévu de faire 15 selon les rumeurs. Eh bien, il s'est désisté. Finalement, c'est Benedict Cumberbatch qui va faire le méchant de Star Trek 2. Pour ceux qui veulent savoir c'est qui, on en a parlé dans les podcasts du passé. C'est la vedette de Sherlock de BBC avec Martin Freeman qui va faire Bilbo le Hobbit. Alors, les deux acteurs de Sherlock qui sont en train de se montrer au grand écran, ça, j'aime bien ça. Ouais, ça va être un bon coup, certainement. Puis, de toute façon, j'avais bien aimé le premier Star Trek, qui était quand même assez excellent. J'avais jamais écouté Star Trek à l'époque avec le casting original. Parce que j'oublie toujours le nom de M. Spock. Leonard Nimoy. C'est ça. Ben, j'avais toujours Léonard Nimoy, c'est ça. J'avais jamais écouté la série originale, mais j'avais tellement aimé le casting, puis le jeu de Zachary Quinto comme Spock, c'était malade de l'entendre, là. C'est un très bon film Star Trek, là, sérieusement. Là, que vous aimiez Star Wars ou peu importe, là, faut quand même voir Star Trek, là. Fait que... Mais c'est un excellent reboot de la série, faut le dire aussi. C'est ça, c'est un reboot, là. Oui, mais le reboot a été bien apporté, là. La dimension temporelle qui a été défaite, sérieusement, moi, j'aime mieux ce genre de reboot-là que, on refait toute l'histoire, tout ce qui a été dit dans le passé n'existe plus là. Au moins, on a une raison pour comme effacer tout ce qui s'est passé, là. La mère de Spock qui meurt, là, c'est inconcevable là, pour un Trekkies comme moi parce que elle est important dans l'éducation de Spock. Ouais. Et là, elle n'existe plus du tout. Alors, sérieusement, je trouve que J.J. Abrams a fait un excellent travail quand il a refait la série du début. C'est un peu comme ce que Nolan avait fait justement avec Batman Begins. Puis c'est des reboots comme ça qui font que les films deviennent peut-être un peu plus intéressants à suivre et peut-être qu'on va avoir ça dans The Amazing Spider-Man. Donc, on verra bien ça. Ouais. En passant, selon vous autres, quel est le deuxième événement geek en importance après le E3? Ben, le CES. Ça se passe cette semaine. Ah, c'est ça. Oh mon Dieu, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Tu peux nous expliquer ça? C'est le CES à Las Vegas. Ouais, ah, c'est ça, je parlais de ça. OK. Colin. C'est le CES à Las Vegas et moi, il y a une nouvelle qui m'a très intrigué parce qu'on... je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les netbooks, je suis pas capable. Les fameux petits ordinateurs portables entre 13 et 14 pouces qui n'ont pas de lecteur CD, que on peut rentrer dans... Ouais, c'est ça. Mais attendez, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est Lenovo qui IBM, si vous aimez mieux, qui serait sur le point de préparer un IdeaPad, un S110, qui serait un mini notebook de 10 pouces. OK. Qui serait équipé d'un processeur Intel Cedar Trail Atom N2600 avec 1 GB de RAM, un disque dur de 320 GB, et ça, c'est sûr, c'est de la mémoire flash, là, et un port USB 3.0. Ces portables-là seraient vendus environ en bas de 199$. Oh! Ils rouleraient tous sur Windows 7. Ouais. Ben, ça peut être bien pour les étudiants, ça. En masse, ça, c'est des personnes qui ont peut-être pas la chance d'avoir une tablette comme une sorte d'iPad et tout ça, mais ça leur donnerait une chance moins chère d'avoir quelque chose possiblement de qualité. Ça. On verra bien ça une fois en main. Ben, il y a le chat qui nous dit, qui nous laisse, qu'il va aller mettre en ligne un premier podcast de la Forge G. Donc, on te souhaite bonne chance pour ça, puis on espère que tu vas nous écouter en différé. Max, oui. T'aurais eu des informations à propos du film de Akira. Parle-moi donc de ça, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est sorti comme quoi le film Akira, le projet du film Akira qui date depuis je sais pas trop combien d'années, serait complètement mort. Ils ont abandonné les projets. Je sais pas, ça fait combien de fois qu'on nous dit qu'Akira est mort. Souvent, ils ont mis le projet sur la glace, puis ils ont changé de producteur, ils ont changé d'acteur, toutes sortes d'affaires comme ça. Là, ça leur a l'air que c'est complètement mort. Ils disent qu'ils sont pas capables de mettre fin au projet. Ils n'ont probablement pas les outils nécessaires pour faire un bon remake du film version humain, finalement. Ben, si je me trompe pas, si je me trompe pas, je pense que c'est Leonardo DiCaprio qui est en charge de la production, hein? Non, c'était supposé être Peter Jackson qui fasse la production. Oh, OK. Au début, Leonardo DiCaprio était supposé de jouer le rôle de Kaneda. OK. Ça a été ils ont laissé tomber ça, puis à un moment donné, ils ont pris un autre acteur que... je ne connais pas vraiment. Puis là, tout a tombé à l'eau. Là. Ils ont décidé de mettre de l'enterrer pied sur terre, le projet. Là. Ben, quand tu as sorti la nouvelle, moi, j'ai été tout de suite. J'avais comme remarqué qu'il disait qu'il y avait un manque de budget. Ouais, c'est ça. Fait que, et de toute façon, ce film-là, c'est promené de James Cameron à, comme tu dis, Peter Jackson, à Leonardo DiCaprio. Fait que... Valu l'enterrer avant que Uwe Boll y touche. Fait que, tu sais... Ah! T'es obligé de shooter Uwe Boll! Ouais, mais c'est pas un jeu vidéo. C'est pas Uwe Boll a créé le gars qui massacre toutes les licences de jeux vidéo en film. Et voilà! Et voilà! C'est à toi, Postal, Blood Rain, Alone in the Dark... Ah! Arrêtez les boys, c'est 7 ans de malheur à chaque fois que vous nommez un titre de ces films-là, là. Fred, Fred L, toi qui étais avec moi quand j'ai fait le podcast français, il parlait de la PS Vita et je parlais que moi je défendais que la PS Vita pourrait être piratable. Il y a quelqu'un qui a sorti un émulateur de Sega Genesis pour la PS Vita. Ben, je l'avais dit qu'il était piratable. Il y a quelqu'un qui pourrait la pirater. Mais toi, t'es encore mieux que moi. Ben oui, le Xbox Live qui s'est fait pirater. Oh my God. Oh my God. Je vais vous raconter ça, là. C'est que Microsoft, ils ont connu des petits soucis avec des problèmes de gamer tag, comme quoi qu'il y avait... On a appris ça par le biais du site Games Industry qu'il y avait plusieurs gamer tags qui avaient été créés légalement, que chaque gamer tag en question avait un crédit d'environ au moins 10 000 points Microsoft. Puis ces gamer tags-là en question, ils ont ensuite été revendus au marché noir par des sites internet. Puis en parallèle de ce citoyen, il y a une femme au Texas qui, elle, son compte, il a été piraté 2 fois. Puis avec ça, elle aurait été informée de service d'après-vente de Microsoft qui aurait un petit peu aidé à résoudre le sursis. Mais je vais poster un lien de blog. Où est-ce qu'on peut suivre un peu l'histoire sur le. Je vais poster ça sur le chat. C'est ça, les services après-vente n'ont pas vraiment aidé. Puis on a appris un petit peu par la suite que suite à la première attaque, il y a un conseiller Microsoft qui aurait précisé que son compte allait être bloqué en raison d'une enquête. Mais ils n'ont pas vraiment fait d'enquête. Puis après ça, la femme en question elle a été victime d'une seconde attaque. Puis ça lui aurait causé des problèmes financiers de quelque chose comme 366$, sans parler du fait qu'un autre de ses comptes qui a été piraté, puis ensuite revendu à un joueur polonais par le biais d'un site chinois. Donc on voit que le hacking du Xbox, c'est un peu worldwide, parce que pogner un compte, vendre un joueur polonais sur un site chinois, on s'entend que c'est quelque chose de gros, mais c'est quelque chose qu'on voit rarement, parce qu'il me semble que le Xbox, c'est une console qu'on a rarement entendu parler de hacking. Ben récemment, cette semaine, ben pas cette semaine, mais il y a quelques semaines, justement, Dark Sim... qui avait justement raconté sur Radio Talbot qu'il s'est fait hacker son compte Xbox Live. Puis je m'en souviens justement qu'il avait vu la 200e de Talbot. Il avait expliqué que finalement c'était arrangé. Donc il y a certaines personnes qui réussissent à arranger ça, mais naturellement, c'est quand ça devient une envergure comme ça, hey, 10 000 comptes, ça n'a pas de bon sens. Non, puis justement, je t'ai appris la nouvelle. Je t'ai appris la nouvelle. C'est pas 10 000 comptes, c'est 10 000 points Microsoft sur chaque compte. Ouais, 10 000, comptes, ouais, 10 000 points, c'est ça, je m'excuse. Puis justement, d'Electronic Arts, justement, qui avait précisé que ce serveur de FIFA qui avait été, justement, été hacké par un hacker, ça a affecté des gamer tags pour Xbox Live. Donc, voilà. Ouais, mais pourtant, moi, en tout cas, je suis membre Xbox Gold. Mais de toute façon, j'ai pas mon numéro de carte de crédit sur Xbox. Et je trouve ça surprenant. On paye pour pas se faire pirater. Là, on annonce qu'on s'est fait pirater. Mmh. Ça, le gaming... Ça n'a pas été piraté. Les 10 000 comptes ont été achetés, right? C'est des comptes qui ont été créés illégalement. Ça a comme donné que chacun des comptes avait des crédits automatiques de 10 000 points Microsoft. À 10 000 points. Okay. Ouais, mais ils entendaient les comptes ensuite. C'est beaucoup. Ah, c'est personnellement... Des jeux à c'est comment j'avais compris comment j'avais compris la nouvelle, moi, c'est que c'était quelqu'un qui avait des gens qui avaient acheté 10 000 comptes pour les revendre avec 10 000 points dedans pour justement comme prendre des noms populaires. Là. Dans ma tête, c'était ça. Non, il y avait les comptes étaient créés, puis il y avait les points d'entrée. Mais tu sais, par exemple, tu achètes un jeu sur Xbox Live Arcade, c'est peut-être juste 200 points à peine, tu sais, genre Banjo-Kazooie, puis tout ça, puis là, t'as eu avec ça. Le gaming n'est plus sécuritaire pour personne. Tout simplement. Que tu sois sur Microsoft ou Sony ou même Nintendo, il n'y a plus rien de safe. La tricherie va être partout comme ça, puis là, ça vient de pire en pire. Regarde, Talbot en a parlé sur Port et Mort. Il ne fait qu'expulser du monde à tous les jours. C'est ça, c'est qui utilise des mauvaises techniques et tout ça. Ça n'a plus aucun sens. Là. On ne joue plus pour jouer. On joue pour battre tout le monde. Puis, c'est l'intérêt personnel à ce temps. Donc, voilà. Moi, j'aimerais ça qu'on vienne sur la PSP, sur la PS Vita, parce qu'on en avait parlé pendant le podcast français. Et Fred Lalonde et moi, on s'est comme penché sur le sujet cette semaine. Les ventes sont encore plus décevantes cette semaine. Ben oui, surtout au Japon, là, c'est un véritable flop. Ben juste surtout au Japon, là, tu sais. Hey, j'ai vu les chiffres, ça dépasse même pas 50 000. Ouais. Ça dépasse pas 50 000. Oui, mais pourtant. La première PSP, ben encore la PS Vita. C'est en plein ce que j'ai dit au podcast français. Pourquoi j'ai racheté une console à 300$ quand que pour 200$, même pas. J'ai une de mes amies, elle a acheté la PSP pour son fils et elle l'avait trouvée chez Maxi Compagnie à Boucherville pour 60$. Mais pas la PSP Go, là. La PSP normale. Aïe, aïe. 3000. 60$, là. Alors, pourquoi qu'elle irait acheter une PS Vita à son fils quand elle part une PSP avec une bibliothèque quand même assez impressionnante pour seulement 60$? Puis ça, puis t'as juste à aller acheter. Moi, personnellement, je travaille dans un magasin d'électronique, fait que je vois un peu le comportement de la clientèle année après année. C'est pas compliqué, là. Les gens achètent des iPod Touch. Les gens achètent des petites affaires moins chères, puis après ça, ils savent, les parents sont pas cons. Angry Birds, c'est 1$, l'autre, c'est 2$, l'autre, c'est 3$. C'est le fun dans ce temps-là, parce que tu peux acheter plusieurs jeux à ton enfant, puis comme Angry Birds, je peux passer autant de temps sur Angry Birds que sur un jeu de PSP qui m'a coûté 40$. Donc, je vois pas pourquoi ce serait nécessaire maintenant de t'acheter une console portable quand t'as le iPad, t'as le iPod Touch, t'as le site, t'as ton cellulaire intelligent. Tout ça te permet d'avoir des jeux à des prix extrêmement bas. Donc, écoute, à 40$ le jeu, là, ça vaut plus la peine d'acheter ça, selon moi, personnellement. Mais ça n'a quand même pas empêché la Nintendo 3DS d'avoir vendu plus de 4 millions de consoles. Ouais, parlant de 3DS, j'ai vendu la mienne. Sniff, sniff. Puis je l'ai vendu juste avant que tous les bons jeux sortent. C'est vraiment pas un bon coup, ça, là. Ah non, mais là, un moment donné, j'étais tanné, là, après avoir fini 4-5 fois Zelda, puis là, tu regardes les jeux. Ah, Kirby. Family Fun. T'es comme, je pense qu'il n'y a plus rien, là. T'as pas joué à Master Quest? Ben oui, Master Quest. Moi, j'aime pas ça, Master Quest. J'ai joué, je pense, quand c'était à GameCube. Il avait sorti un gros pack. Mais non, sérieusement, la 3DS commence à sortir ses bons jeux. Là. Il va y avoir Kid Icarus bientôt, en plus. Là. Dom a dit qu'il le sent pas. de Facteur Geek qui ont dit hier qu'ils sentaient pas ce jeu-là. Moi, j'ai out. Quel jeu? Kid Icarus. Grim, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un, là. 20 ans. Pas 20 ans, calique. Attends, oui. 25. 23-24 ans qu'on n'a pas eu de Kid Icarus. Puis la seule présence de fit qu'on a eu, c'est dans Super Smash Bros. Melee avec un trophée, puis Brawl comme personnage jouable. Sinon, il n'est pas revenu pantoute depuis un bout, là. C'est pas nécessairement une bonne chose, ça. Je le disais, là. Puis, ouais, pas pit. Non, mais tu regardes les images, puis Kid Icarus, le jeu, c'est vraiment pas ce genre de truc-là, là. C'est bien différent de ce que ça a de l'air. Faut vraiment regarder la publicité, là, pour voir ce que ça a de l'air de Kid Icarus, là. Ouais, d'accord avec toi. Mais de toute façon, dans Super Smash Bros. Brawl, là, ça paraît que Brawl, c'est vraiment plus inspiré de Kirby et Kid Icarus, parce que même les réalisateurs, Masahiro Sakurai, quelque chose comme ça, qui est le créateur de Kirby et de Kid Icarus, donc c'est évident qu'elle allait reprendre ses mêmes affaires. Pour moi, Brawl, ça va rester moins un fail à ce niveau-là. Là, ça paraît juste dans le style de combat, ça paraît dans les ennemis qu'ils ont pris. Non, ça me dérange pas qu'ils aient pris des Koopa Troopa, pis des Goomba, pis tout ça. Pis c'est Brawl, là, tu joues à multijoueur, tu finis ça là, puis c'est fini pareil. C'est quand, depuis sa sortie. 4 millions de consoles. Puis c'est pas pire, c'est certain que quand t'as les jeux comme Mario Kart 7 et Super Mario 3D Land qui ont fait booster les ventes, comme ça n'a aucun sens, ça, ils ont doublé, peut-être même triplé les ventes depuis les derniers mois. Ah, ça n'a d'accord. Aucun sens. Mais tant qu'il y a des bons jeux, ouais, les consoles vont se vendre. Il n'y a rien sur la PSP, la PS Vita encore, là, à part Uncharted, mais il n'y a rien. Ouais. La 3DS, là, pour moi, ça s'est vendu juste pour le 3D. C'est super le fun comme console, là, mais la semaine prochaine, sort un iPhone 5 avec un écran 3D et Angry Bird en 3D. Ouais. Tu vas voir que la 3DS va subir de ça. C'est juste, moi, je pense que ça a été vendu énormément juste pour l'effet nouveauté 3D. Comme les gens ont été voir Avatar, comme les gens achètent des télés 3D comme des fous, sachant que si tu l'écoutes une heure, plus qu'une heure par jour, c'est dangereux pour ta santé. Là, Ouais, mais je suis pas dans le même public parce que j'avais acheté pour les jeux la 3DS. Donc, c'est ça. Il y en a que c'est pour les jeux. L'affaire qui contribuait plus à la vente de 3DS, c'est surtout Zelda. C'est ouais, ça, aussi. Mais là, il y a Mario, il y a Star Fox, il y a quand même des bons jeux sur 3DS. On s'entend là-dessus, là. Il y a quand même des bons jeux. Puis il y a les gens ambassadeurs aussi pour ceux qui ont acheté la console moins chère. Donc, comme Fred D disait, moi qui est devenu parent, Max qui est parent, quand que nos fils vont nous demander « Papa, je peux savoir la nouvelle console, si moi mon budget ne me permet que d'acheter l'iPod Touch qui est multi-utilitaire pour tout le monde, mais excuse-moi, je vais acheter l'iPod Touch. » Bon, OK, moi je suis capable d'imprimer de l'argent pour acheter des consoles de jeux vidéo du salon, mais console de jeux vidéo portable, si je vois que l'iPad peut faire très bien le travail, je vais me contenter de mon iPad à 600$ que de me contenter d'une PS Vita à 300$ qui ne fera même pas le 1/8 de la job que je peux faire avec l'iPad. Là. C'est ça. Tantôt, mais de toute façon, je disais Angry Bird, mais il n'y a plus juste Angry Bird. Là. Personnellement, j'ai un iPad 2. Couché dans mon lit le soir, je suis capable de jouer à Grand Theft Auto 3. Puis les contrôles sont excellents. Puis c'est fluide au bout. Fait que pourquoi j'irais jouer à Kirby Fun House sa 3DS? Si je peux avoir des jeux que j'avais sur ma PlayStation, sur ma Xbox, directement sur une tablette, c'est incroyable. Final Fantasy, ce jeu. Chrono Trigger. Chrono Trigger. on a aussi 9mm. Game-là font de très bons jeux pour l'iPad et l'iPad. J'ai acheté ça aussi, c'est le fun, 9mm, effectivement. 9mm est une très bonne reproduction de GTA. Infinity Blade qui était en nomination, bon, on peut pas trop justifier à ça, mais qui était en nomination au VGA. Sérieusement, il y a plusieurs jeux qui valent beaucoup plus la peine sur l'iOS et sur les Android que la plupart des jeux qui sont disponibles dans les bibliothèques de Sony et de Nintendo sur leur console portable. Et d'après moi, c'est pour ça que Microsoft ne doit pas se lancer dans les consoles portables. Ils ont déjà le Windows Phone qu'ils doivent essayer de vendre. Alors pourquoi qu'ils se casseraient la tête avec l'autre? Ils ne sont pas cons, Microsoft. Ils savent que... personnellement, je trouve qu'il est mort, le gaming sur portable. Tout le monde, peu importe, me dirait le contraire. Oui, ça va se vendre, mais écoute, je pense que les premiers qui vont créer cette mort-là, ça va être les compagnies qui vont dire, est-ce que je vais investir tant d'argent sur un jeu portable, ça, pour que ça soit créatif ou pour que ça soit des bons jeux, il faut mettre de l'argent. Puis les compagnies, je pense pas qu'ils vont vouloir mettre tant d'argent que ça si les consoles se vendent pas puis les jeux se vendent pas. Fait qu'on va avoir des jeux crappy. Puis voilà, c'est ça qui va arriver. Personnellement, c'est ça que je crois. Oh, les bon, sites sont en train de faire un plan Oh, excusez, je suis pas supposé dire que je joue à Star Wars. Ça serait pas l'idéal. Tu peux le dire si ça te tente, mais si tu veux pas recevoir une bombe nucléaire sur ta tête ce soir, c'est peut-être pas préférable. Ah oh, oui, moi aussi, j'aime ça, les feuilles d'érable. Hein? De quoi tu parles? Parce que moi, j'ai pas la chance de jouer. Ah, c'est pour ça. T'as juste à dire que c'est éducatif, le bien contre le mal. En tout cas, sors quelque chose à ta blonde, je te dis, on va te laisser jouer avec ton fils. Ah, non. Je suis sûr que tu as assez d'imagination pour inventer de quoi du genre. Non, pas inventer quelque chose, mais au moins débattre d'une opinion, là, peut-être. Ben, on a appris il n'y a pas longtemps que Star Wars The Republic est entré dans le livre des records Guinness. Puis là, vous demandez qu'est-ce que Swotor, un mémoire RPG, irait faire dans les records Guinness. Ben, on a appris récemment que ce jeu en question a entré dans ce livre-là en raison de ses 200 000 lignes de dialogue enregistrés. On regarde ça de même, 200 000 lignes de dialogue pour un jeu, c'est extrêmement, mais extrêmement immense. Imaginez-vous, là, tu parles à un personnage, il y a une ligne de dialogue qui t'apparaît. Multiplie-la par 200 000, c'est un méchant bon nombre. Donc, c'est un peu avec ça qu'on peut voir à quel point l'univers de Swotor est immense. Et c'est pas tout, là. C'est ça. Il y a eu... C'est pas écrit, là. C'est parlé, là. Il y a des acteurs qui ont dit toutes ces lignes-là. C'est débile. C'est incroyable. Chaque mission que tu fais dans le jeu a une cutscene avec des dialogues. Moi, à chaque fois que je joue, j'en reviens pas. Et c'est pas... Ben, c'est ça qui fait le charme de Swotor, c'est que c'est carrément des dialogues, des cutscenes. Tu regardes World of Warcraft, c'est... tu t'en vas chercher une quest, puis t'as une page à lire. C'est juste du texte. Et c'est pas tout. Ah, depuis... Hein. La sortie le 20 décembre, il y a eu 60 millions d'heures de jeux. Et mon Dieu. C'est 3 comme... milliards de PNJ qui est mort. C'est comme si on regardait... Hey, justement, excusez-moi. Oui. Justement, ce record Guinness-là, il appartenait pas à Heavy Rain avant? Selon William et Lynn, ça appartenait à Heavy Rain, ce record-là. Ah, ouais? Oui. J'ai pas de source en ce moment, mais c'est ce que je viens de lire. Puis non, Steve, Star Wars, c'est pas l'affaire avec Mr. Spock et les ovnis. Oh, troll. C'est ça. Et juste pour vous donner une idée du 60 millions d'heures de jeu, ça équivaut à, si on avait regardé les 6 épisodes de Star Wars, 4 millions de fois. Eh mon Dieu. Puis là, avec la sortie de Star Wars en 3D, fait que, hey boy, en tout cas. Non, mais c'est ça, mais okay. Moi, j'ai vraiment le coup de l'essayer The Old Republic, mais j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas la connexion Internet non plus pour, mais je l'avoue, je suis assez fan de Star Wars pour vouloir essayer l'expérience de The Old Republic. Fait que c'est ça. Mais c'est un jeu à essayer au moins une fois, là, pour savoir si ça coûte. J'ai aucun doute. Il aurait pu faire un peu comme WoW, puis faire un genre, c'est gratuit jusqu'au level 5 ou 10, tu sais, comme ça, les gars, qui sont pas trop sûrs de l'avoir essayé, là, au moins, ils ont la chance d'embarquer dans cet univers-là, parce que oui, tu peux jouer gratuitement avant que le jeu sorte, mais comme pour les nouveaux, là, qui viennent d'apprendre que le jeu est là, s'investir, tu sais, il faut que tu payes 50 quelques dollars pour le jeu, surtout les MMO, selon moi, là, 0 à 5, il aurait pu mettre un trial ou quelque chose. Ouais, 1 à 10, peut-être, ça dépend aussi du jeu. Ça dépend vraiment du jeu, mais c'est clair qu'à un moment donné, je vais l'essayer. C'est clair et net. Mais ça, comme je parlais avec Tidex tantôt, j'ai dit, c'est sûr que d'ici un an ou deux, ils vont sortir quelque chose comme avec World of Warcraft, mettons, t'as 7 jours gratuits ou tu joues jusqu'au level 20 gratuitement. Ouais, un système d'invités. C'est ça, un système d'invités. C'est clair qu'il va en avoir un. Oui, mais si je me trompe pas, ils en ont parlé, je pense que c'est juste un autre podcast. Tu peux jouer un 2 mois gratuit, mais tu l'as si tu achètes déjà une carte ou si tu rentres ta carte de crédit. T'as ton 2 mois avant de payer. C'est comme quand tu loues ton appart, t'as ton premier mois gratuit avant de rentrer dedans. Là. C'est un peu ils ont élaboré un peu le même système. pour soit tard. Mais il faut vraiment faire attention. Si vous voulez jouer votre mode gratuit, vous êtes obligé de savoir comment vous allez payer les mois d'après. Mais est-ce que ça annonce la fin de World of Warcraft? Non, non, hey. Je pense pas. Non. T'as 11 millions de joueurs, là. Ouais, ils ont encore des bons joueurs. Puis là, c'est probablement la prochaine expansion, le Kung Fu Panda, là. Puis ça va rester dans mes têtes. T'en as qui jouent encore EverQuest, là. Oublie-le pas, là. Ouais, c'est... Oh mon dieu. Je vais pas penser. Puis là, il y a Guild Wars, Guild Wars 2. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Puis là, il va y avoir Guild of Wars. Ça va être Guild Wars 2. Fait que ça va être quelque chose. L'avenir des MMORPG là, est quand même assez assuré avec The Old Republic. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a un restaurant en France que pour la sortie de l'épisode 1, Phantom Menace, en 3D, ils ont sorti un burger Dark Vader. Oui, j'ai vu ça. La seule différence, c'est que c'est un genre de cheeseburger avec du pain noir. Ah. Le truc, c'est ouais. Qu'il y a justement pas de l'air mangeable, là. Ben, c'est juste le pain qu'ils disent qu'ils ont mis du colorant noir pour que ça fasse comme le côté sombre de la force. Mais... Quand c'est ridicule, là, hein? Quand c'est juste assez ridicule. Ah. En tout cas. Tant qu'il atteint le côté sombre de mon estomac, il n'y a pas de problème. On peut rien savoir. Ouais, il n'y en a pas de problème. Ouais. Ok. J'ai eu la chance d'écouter pendant la semaine. Moi et Alex, on a eu la chance d'écouter un film. On voulait vous en parler un peu. On a parlé un peu tantôt de Batman. Et on sait que Tom Hardy va être un acteur à surveiller dans le film. Et on a pris le temps d'écouter The Warriors. Alex, vas-y donc. Ouais, ben c'est ça, le Warrior. Je pense qu'on a peut-être des fans de arts martiaux mixtes, le fameux UFC avec Georges St-Pierre et tout. Donc, c'est vraiment basé autour de cet univers-là. Donc, on a deux frères qui vivent une vie carrément différente. On a un ancien combattant qui est enseignant. Puis là, t'as un ancien lutteur qui veut refaire sa vie également. Puis là, t'as le père qui veut essayer de rejoindre les deux frères en même temps ensemble. Puis là, ça va tellement pas bien. Tellement prévisible qu'ils vont se retrouver dans le ring, les deux frères en même temps. Puis c'est tellement malade le film pour moi. T'accroches dans l'histoire, tu veux savoir vraiment c'est qui va s'en sortir. Mais pour moi, le jeu de Tom Hardy est vraiment bon là dans ce film-là. Puis aussi Joel Edgerton également, donc je sais pas dans quel film qu'il a joué. Mais c'est vraiment un bon film. Puis j'ai l'impression qu'on se retrouve également dans... Exactement comme c'est dans l'univers des arts martiaux mixtes, les tournois que tout le monde suit ça en cachette également. C'est tellement drôle. Puis ça devient vraiment bon, ce film-là, à mesure que ça progresse. L'intensité de la fin, vraiment bon également, à mon avis. Mais Tom Hardy, il a pris du poids en salle pour ce rôle-là. Ouais, ben c'est ça. Puis il en a repris en stick aussi pour jouer Bane, qui va être dans The Dark Knight Rises. Donc Tom Hardy, c'est un acteur à surveiller cette année. Moi, je trouvais donc, que... je ne sais pas s'il y en a certains qui se rappellent, vers 2009-2010, on avait eu un film qui s'appelait The Wrestler avec Mickey Rourke. Mickey Rourke. Ouais, c'est 2009. Et j'ai beaucoup plus... Il y avait gagné l'histoire pour ça aussi. Ouais, ouais. Et j'ai beaucoup plus aimé The Warrior. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis un grand fan de lutte. Et The Warrior est beaucoup plus venu me chercher. On dirait que c'était beaucoup plus sérieux que The plus Wrestler. Réaliste, peut-être. Hmm? Peut-être un peu plus réaliste. Ouais, ben non, pas vraiment un peu plus réaliste parce que pour Wrestler, pour connaître certaines personnes qui sont dans l'univers de la lutte, je peux te dire que The Warrior allait beaucoup. The Wrestler allait beaucoup chercher. La réaliste de certains lutteurs, la vie de tournée et tout. Pour te renseigner, Alex, Joel Edgerton a joué dans Star Wars épisode 3. Il a joué le oncle Owen. Et il a Ah, ben oui, il me semblait aussi que je voyais sa face. C'était lui. Dans l'épisode 2 également. Ouais, il a joué aussi dans The Thing dernièrement. Ah, ok. Je pense que j'avais vu également sa face dans Les Piliers de la Terre, basé sur un des romans sortis, puis je me souviens pas. Mais juste pour revenir vraiment à Warrior, pendant la dernière scène, justement, quand les deux frères se battent, c'est évident qu'ils vont se retrouver. De toute façon, c'est dans le trailer. Je vois la tête baissée de Tom Hardy, les épaules carrément revenues par l'avant et les muscles, et je vois le personnage de Bane. Je vois carrément Bane dans sa face. J'imagine le masque, les cheveux rasés, le suit de guerre. Bane est vivant dans The Warrior. Ben, c'est comme quand j'avais Equilibrium était sorti. C'est plusieurs années avant Batman. Et on était déjà en préparation du film. Et j'avais vu Christian Bale dans ce film-là et aussi dans Requiem Psycho. Et on sait que le justicier masqué n'a pas d'expression de visage. Il est toujours fade, mais il fait peur. Et c'est ça. Dans le film Equilibrium, Christian Bale avait une expression unique parce qu'on sait qu'ils n'ont plus de sentiments à cause d'une pilule. Et il avait bien joué ce rôle-là. Et j'avais déjà dit, ce gars-là serait parfait pour jouer Batman 2 ans plus tard. Puis t'as vu juste... Quelques années plus tard, on nous annonce que c'est lui qui va le faire, qui jouait Batman. Moi, j'étais tout content. Et j'aurais pas vu quelqu'un d'autre faire ce rôle-là, sérieusement. Et je suis d'accord avec toi, Tom Hardy a le physique pour faire Bane. Ouais. Max, tu m'es arrivé avec un jeu plus tôt. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que sérieusement, ça m'intrigue. Neutronic Rush. Oui. Ça a été fait par des étudiants du DigiPen Institute of Technology aux États-Unis. Okay. C'est un petit jeu un peu de voiture style arcade un peu. Avec les designs qui ressemblent à Tron. Oui, je vois ça. Premièrement, c'est un jeu gratuit. Tout le monde peut le télécharger gratuitement. Puis il est fait à partir du C++ directement, sans engin graphique à la base. Le jeu il est excellent. Okay? C'est un jeu de vitesse, de réflexe. Tu as des obstacles, tu passes à travers les obstacles. C'est vraiment... c'est mon coup de cœur des jeux genre freeware qu'on appelle. Le jeu, comment dire ça? J'ai découvert ça il y a peut-être 2 mois à peu près. Puis, excusez-moi. Puis, non, c'est ça. Le jeu, là, c'est du 100% fun. Du style arcade, un peu comme des jeux au début des années 80, au début des années 2000. Un peu style un peu Daytona au USA, tu fonces dans le tas, t'as pas à te casser la tête, t'as pas de tuning à faire sur tes voitures, tu fais juste avancer, t'as des boosts, tu pognes des jumps. Côté graphique, c'est de toute beauté. T'as pas besoin d'un gros ordinateur pour rouler ça. Est-ce qu'il est disponible seulement sur PC ou on peut l'avoir sur PSN et Xbox Live? Non, tu peux l'avoir juste sur Windows XP. Windows. Sur PC seulement, avec sur Windows. Tu peux jouer avec un contrôleur Xbox 360 plugé sur ton PC. Tu as besoin, par exemple, minimum 4 gigs de RAM. Ouch! Ouais. C'est comme un peu heavy. Ben, je pense que... Surtout pour un freeware. Ben, je pense que Battlefield 3 demande ça, 4 gigs de RAM, si je me trompe pas. Aïe, aïe. Ben, il faut dire aussi que tout ce qui est PC qui sort des dernières années, de cette année et l'année prochaine, le minimum de la RAM, c'est 4 gigs en général quand tu l'achètes au magasin. Il n'y a pas grand-chose qui va... Il n'y a plus grand ordinateur qui va commencer avec moins de 4 gigs de RAM. Mon Dieu. Va falloir que je change ça. Je pense que j'ai encore mon 4 gigs de RAM de 2008. Oh boy. Ah ouais, puis à l'époque, quand j'avais acheté mon ordinateur, Fred D, on avait une discussion là-dessus cette semaine à propos des ordinateurs, justement. Oui. Moi, j'avais acheté mon ordinateur, c'était un Dell XPS 420, qui était la série juste avant que Dell s'en va chercher Alienware. Et j'avais acheté, je l'avais acheté parce qu'on nous avait dit StarCraft va sortir en 2009. Finalement, il est sorti en 2010. Ouais. Mais j'avais préparé mon ordinateur pour qu'il soit prêt pour 5 ans. Maudit, j'avais vu juste. Eh boy, oui. Ah, t'as bien fait, là, rendu là. Ben, j'avais payé 2500$, là. OK. Hey, c'est de l'argent. Ben, c'est ça quand on achète des produits, hein. C'est toujours comme ça. Mais c'est toujours l'argent. C'est que t'as pas le choix parce que sinon, si t'achètes un ordinateur, je pense que c'est Fred D qui, avec qui j'avais parlé de ça, si t'achètes un ordinateur à 1000$, il va te taffer un an. Mais toi, t'étais capable de prendre les mêmes morceaux que Alienware font pour moins de 1000$. Ça, tu me comptais? Non, mais c'est que. Je trouvais que personnellement, je suis pas le plus grand connaisseur d'ordinateurs sur la planète, là, je vais pas me le cacher, mais je trouvais que en regardant un peu les pièces de certains Alienware ou certains Mac surtout, si tu regardais les prix de chaque pièce individuellement, tu étais capable de te faire la même ordinateur si tu la confectionnais toi-même pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les styles Alienware ou les ordinateurs déjà tout faits. J'ai l'impression que des fois tu payes pour le nom. Ben, c'est sûr que tu payes pour le nom. Alienware, veux pas, c'est juste le nom, parce qu'en en réalité, tu t'achètes un laptop à béton Alienware à 2500$, tu peux en avoir un à 1000$ qui vaut la même affaire, mais d'une autre marque un peu plus cheap. Oui, ouais, puis qu'il n'y a pas de néon rouge et bleu partout. C'est là. Ça, c'est du ouais. Tape à l'œil souvent. C'est, oui, mais pour moi... Parties. Oui, mais pour moi, acheter un Alienware, c'est comme quand j'achète une marque de souliers Nike. Je suis sûr de la qualité, je suis sûr de la durabilité. Mon Dell, ça fait 5 ans que je l'ai, comme j'ai dit, j'ai jamais eu zéro problème. Et il est encore silencieux comme son premier jour, là. Et c'est ouais, que... ça, tu marques un point là-dessus. Dell font toujours d'excellents ordinateurs. Dell n'ont jamais dit on va fermer nos bureaux, notre département d'ordi de bureau où je travaille, ce n'est que des Dell. Chaque place que j'ai travaillé, moi aussi, il y a un ordinateur Dell caché à quelque part. C'est... J'imagine qu'ils doivent faire des bons tarifs pour les compagnies parce qu'il n'y en aurait pas autant sinon. Ben, en fait, c'est pour la stabilité des composantes, je pense aussi. Que. Ils ont puis les garanties aussi sont bonnes chez Dell. C'est facile, ça va faire réparer ses ordinateurs s'ils brisent, tandis que si tu achètes un HP, service à la clientèle chez HP, c'est pas vraiment le haut de gamme. Tu sais. J'essaie de trouver le fameux ordinateur de bureau que je vous parle. Parce que c'est ça, nous, on est équipés d'un pack Dell. Et sérieusement, moi, c'est quand j'ai vu ce qu'on avait. Où je travaillais, j'étais vraiment émerveillé par. On n'avait pas de bruit de ventilation et pourtant, on n'avait que deux ventilateurs là, qui roulaient. Là. Alors, pas besoin de système de couleur, quoi que ce soit. Mais c'est sûr, je suis d'accord, il y en a certains là, qui n'ont comme pas le choix là, d'avoir. Ils ont, des latitudes. C'est la série des latitudes qu'on a okay. Dans mon travail. C'est sûr qu'il y en a qui peut-être pas les moyens d'acheter un ordinateur Dell, mais je sais aussi que CIPC font d'excellents ordinateurs là, pour les gamers. Mais moi, j'ai jamais trop fait confiance à Microbyte de toute façon pour faire mes ordis. Là. Fait que Microbyte, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des mauvaises expériences avec eux. Là. Disons que le temps pour recevoir les pièces, des fois, ça peut être extrêmement long. 3 mois pour recevoir 2 gigs de RAM. J'ai trouvé ça pas mal long. Hey Fred, pareil, t'aurais quelques nouvelles pour nous toi aussi? Ouais, des petites nouvelles comme ça que j'ai trouvées pendant qu'on discutait. Là. Surtout de Star Trek, parce que je connais absolument rien là-dessus. Ça m'a donné du temps d'avoir les nouvelles. non, ben c'était juste un petit message à ceux qui étaient intéressés de jouer au prochain prototype. Moi, j'ai personnellement aimé ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça plate, mais l'ambiance du jeu, le bonhomme, le personnage, moi, je me suis bien attaché. Puis si tu précommandes le jeu chez GameStop, ils vont te donner une habilité de plus. Bon, au moins c'est pas un DLC qui te coûte 20$ de plus, on s'entend. C'est juste un petit goodie que tu as. Et en gros, l'attaque, c'est que tu prends l'ennemi, tu le retournes de bord et que tu lui donnes un hyper gros coup épique dans les fesses. Il va super loin. C'est extrêmement drôle, l'attaque. Donc, tous ceux qui étaient intéressés à ça, j'irais le précommander, que ce soit une journée avant. Là. Mais juste pour voir l'attaque, parce que c'est extrêmement drôle. Puis, je suggère d'aller voir sur le site gamefocus.com, qui est un site de jeux québécois, qui a souvent des nouvelles sur le Canada. Donc, tu as les vraies dates de lancement des jeux, puis des affaires qui nous touchent ici. Puis, il y a une vidéo de cette attaque-là que je viens de voir. C'est incroyable. C'est vraiment drôle. Avec super musique de fond. Ah oui, c'est super drôle. Aussi, j'ai vu que le E3 cette année va être assez incroyable. Selon un site européen, il y a une source de très haut niveau qui aurait révélé que Sony serait prêt à dévoiler la PlayStation 4 au E3, qui est du 5 au 7 juin prochain, et que Xbox en contre-attaque risque aussi fort de montrer sa prochaine Xbox. Donc, j'ai comme vraiment hâte, mais vraiment, vraiment hâte. Ouais. T'sais, on dit tout le temps que ah, le prochain Wii va être le meilleur, le prochain Wii va être le meilleur. Mais je pense que ça nous rappelle vraiment quand la Wii, la Xbox 360 et la PS3 étaient ensemble, même E3 en 2006. Donc c'est 6 ans après, là tu as la Wii U qui va être officielle, tu as des prototypes des prochaines consoles. Ça va être gros là. Mais moi la question que j'aimerais vous poser les gars justement, a-t-on besoin déjà de nouvelles consoles? Est-ce qu'on serait mieux d'avoir un petit add-on qu'on pourrait plugger à quelque part ou modifier quelque chose pour garder les consoles qu'on a en ce moment? Il me semble que, tu sais, la Xbox, là, je le voyais. À la fin de sa vie, je le voyais. Je disais, là, il est temps qu'il y ait quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, ma Xbox, ben, je jouerai encore 2-3 ans dessus. Je trouve qu'il y a encore plein d'affaires. Les jeux sont encore beaux. Il y a encore super plein de créativité qu'on peut amener. Kinect vient juste de commencer. Move vient juste de commencer. Pourquoi on a besoin d'une nouvelle console là? Ben, peut-être que pour Nintendo, c'est peut-être c'est temps pour eux autres. Là, ils viennent de sortir Skyward Sword. Fait que là, c'est temps peut-être qu'ils passent à autre chose, qu'ils réussissent à amener un meilleur produit. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il est beaucoup trop tôt pour Microsoft et Sony pour lancer une nouvelle console. Mais c'est certain que là, quand ils ont vu que Nintendo a présenté sa Wii U l'an passé, je pense qu'ils ont réagi comme il faut apporter quelque chose, Nintendo va nous avoir. Fait que d'après moi, je pense pas qu'ils vont les avoir. Moi, à Nintendo, franchement, là, parce que les dernières données qu'on a eues, c'est que c'était la Wii était à peine plus forte que l'Xbox 360 en ce moment. Là. Fait que pourquoi on a besoin tout de suite des grosses consoles? Je veux dire, la Wii U, selon moi, a son marché, son public propre à lui. Puis je pense pas que les hardcore gamers de Xbox et de PS3 vont se pitcher pour aller acheter la Wii U. Juste en voyant la manette, ça donne mal au cœur, là, tu sais. Mais c'est la compétition, en tout cas, c'est certain. Je parle pas des gamers, je parle des producteurs des consoles. C'est certain que, à mon avis, c'est vraiment ça. Y en a-tu qui ont déjà eu la chance d'avoir une Dreamcast ici? Oui, moi j'en ai une. T'en pas longtemps. Parce que tantôt on parlait de consoles qu'on avait revendues. Moi, j'ai revendu ma Dreamcast à plusieurs reprises. Je pense que j'ai vendu 2 fois pour la racheter 3 fois. Ça te sentait? Ok, je pensais que tu la vendais au monde et tu disais, ah non, c'est ben trop plat, tu reprends ça. Non, parce que j'étais déçu parce qu'on n'avait pas eu une bonne bibliothèque de jeux. Mais sérieusement, cette console-là, encore aujourd'hui, est encore révolutionnaire. C'était la première console qu'on avait accès à Internet. Elle avait de très beaux jeux, dont Shenmue. Et Max voulait nous parler un peu de Shenmue, justement. Oui, cette semaine, c'est sorti là, comme quoi, c'est Yu Suzuki, je crois, qui veut racheter les droits de Shenmue à Sega. Puis on sait que Sega, eux autres, ils veulent plus rien faire avec Shenmue, ils veulent laisser ça mourir. Yu Suzuki, lui, il a déjà pensé au Shenmue 3, il a commencé à créer une histoire, vu que c'est lui qui a fait les deux premiers, veux pas. Il a commencé déjà à écrire les histoires, les chapitres et tout. Lui, ce qu'il veut, c'est remettre ça en vie sur les nouvelles générations de consoles. Parce que, c'est un des jeux C'est le jeu, je crois, qui a marché le plus sur la Dreamcast. C'est le jeu qui a vendu la Dreamcast. Et c'était un jeu tellement précurseur que, oui, je l'ai toujours dit, GTA s'est inspiré de Shenmue pour son sa nouvelle version. Là. C'est ça. Shenmue était un des premiers jeux à univers ouvert qui a sorti sur console. Là. Ils ont intégré, c'est eux autres qui ont parti la mode des QTE qu'on appelle. Qu'on a maintenant comme dans God of War et toutes les copies de God of War un peu là. Puis il y a aussi le fait que c'était un des jeux les plus, selon moi, un des jeux les plus immersifs que tu pouvais pas avoir. Il fallait que tu travailles pour avancer. Tu pouvais pas juste tuer du monde. Tu pouvais aller voir, prendre un verre avec tes amis. Tu pouvais faire vraiment tout ce que tu voulais. On pouvait jouer à Afterburn arcades. Dans les arcades. C'était vraiment comme... Tu pouvais aller jouer aux fléchettes avec tes amis. Tu pouvais aller faire ce que tu voulais. Les petites collections. Mais c'était vraiment un des jeux... Il avait commencé à faire le jeu pour, je crois, c'est la Sega Genesis avant la Dreamcast. Saturn, c'est ça. Puis, c'est ça, il avait laissé tomber le projet jusqu'à ce que la Dreamcast sorte. Puis là, ils ont sorti ça. À l'époque, c'était le jeu qui a battu les records côté coût de production pour un jeu vidéo. Ça avait coûté, je pense, 47 millions de dollars pour créer le jeu à l'époque. C'était énorme. Là, c'est sûr que depuis, ça a été battu, mais à l'époque... C'est The Old Republic. Ouais. Ben c'est ça, mais à l'époque, c'était énorme pour un coût de production pour un jeu vidéo. C'était, il avait jamais vu ça. Mais en parlant de la Dreamcast, je sais pas si vous le saviez, mais justement, quand je tweetais avec toi à propos, avec toi, Max, à propos de la Dreamcast, puis tu chaînes New l'autre jour, il y a une nouvelle que j'avais lue sur jeuxvideo.com, il y a un an qui m'est revenu en tête, comme quoi que la Dreamcast aurait pu revivre sur la Xbox première du nom à cause que Microsoft puis Sega, ils avaient travaillé ensemble pour développer le système d'exploitation de Dreamcast. Puis la Dreamcast avait pu survivre, mais Microsoft, ils ont décidé de refuser l'offre à cause qu'ils ne voulaient pas développer une structure online spécifique aux jeux de Sega. Ben, c'est vrai, parce que quand tu as ta Dreamcast originale, vous marquez en bas à droite, c'est écrit « Propulse by Microsoft Windows ». Ben, dessus, c'était un Windows... Je me rappelle plus trop quoi. C'était Windows CE. Ça roulait sur Windows CE. Le Dreamcast, je crois bien. Juste une petite anecdote comme ça. Sega, ça voulait dire Service Game. Je suis sur la page Wikipédia. Jeu de service. Ouais, c'est ça. Mais juste pour vous dire, moi, sérieusement, Sega, il y a plusieurs jeux que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas essayé d'exploiter ces consoles de nouvelle génération. Écho de Crazy Taxi. Ouais. C'était tellement bon. Crazy Taxi, là, sur le PS3. Là. Ouais, mais ça n'a pas été comme exploré autant que j'aurais voulu. Je trouve que c'est resté pas mal le même style. T'sais. J'aurais aimé ça qu'ils upgrade la patente un peu. Même s'ils veulent aller vers plus quelque chose comme Grand Theft Auto ou Driver ou donner une histoire au gars du taxi, justement. Là, mais t'as Echo de Dolphins, que j'aurais bien aimé voir sa Kinect sur la Wii. Seaman. Avec Internet à Star, Seaman nous parlait de politique et tout. Ouais. Aujourd'hui, avec l'accès à Internet, on les aurait-tu, les sujets de conversation? Après Seaman, moi j'aurais bien aimé Echo the Dolphins, Afterburner, à part sur les arcades, ouais. On n'en a jamais entendu trop reparler. Shinobi. Shinobi, ouais. Phantasy Star, a eu quelques altérations, mais rien de plus. Daytona USA, ça l'a ressorti dernièrement, si je me trompe pas. Ouais. Comic Zone, ça j'avais aimé ça. C'était un jeu qui se jouait un peu comme une bande dessinée, un jeu de plateforme à la bande dessinée où on pouvait passer des cases de gauche à droite et descendre pour faire l'aventure. Et pour quand on changeait d'univers ou de tableau, c'était une nouvelle bande dessinée qu'on ouvrait. Jet Set Radio, avec la mode des jeux de musique dernièrement, Je suis sûr que ça aurait très bien marché. Je sais qu'il y a les House of Dead qui ont ressorti dernièrement sur Xbox Live et sur PSN. Je pense que pour revenir à Jet Set Radio, je pense que ce qui a tué ce jeu-là, c'est qu'il était gratuit avec la première Xbox au début. Le monde ont tellement joué que je pense qu'ils ont fait une écœur en titre. Là. Moi, en tout cas, j'ai joué parce que j'avais juste deux jeux. Mais c'est tous des jeux que je trouve dommage qu'on ait pas exploité. Sega, je sais pas, on dirait que la compagnie est morte avec la Dreamcast des fois. Là. Ben, en fait, Sega, après la Dreamcast, ils ont décidé d'arrêter de faire des consoles et de se concentrer, je pense, sur la production de jeux. Ils ont perdu trop d'argent avec la Dreamcast parce que était trop facilement. C'était même pas du hacking, là. C'était tu copiais le CD et tu pouvais jouer. C'est, c'est ça, il n'y avait aucune protection. C'est ça qui les a tués. Fait qu'après ça, ils ont décidé de laisser tomber ça. On s'en va sur la production de jeu, c'est plus payant. C'est ça, mais je m'en souviens, justement, j'étais au primaire dans ce temps-là, c'était cinquième année, puis il y en a qui apportaient qui montraient leur console, puis tout ça, leur Dreamcast, puis ils disaient qu'il y avait à peu près 60-80 jeux, mais la majorité, c'était des CD gravés carrément. C'est ça. Ils louaient les jeux, puis ils gravaient, ils louaient les jeux, puis ils gravaient, puis ils louaient les jeux, puis ça continuait. C'était rien que de tout ça. Puis la Dreamcast, en plus, on avait eu une exclusivité en Amérique du Nord, les Blockbusters, l'avait reçu presque un an avant tout le monde. Ça, je me rappelle très bien. On avait signé un pacte avec Sega pour ça. Et on avait eu un livre d'anecdotes pour la Dreamcast. Et savez-vous pourquoi que la Dreamcast est blanche? Non. Parce que le concept a été pensé sur une bolle de toilette. Si. Le concepteur a pensé le concepteur a pensé à la concept de la Dreamcast sur une bolle de toilette. Il était non, mais c'est à cet endroit-là que l'homme est le plus prolifique là, dans c'est ça. Il y a même une statue pour ça. Là, c'est pour ça que la Dreamcast... Le penseur, c'est la pièce en dessous qui est brisée. On l'a jamais vu. Là, mais... Non, c'est ça. C'est pour ça. Vous remarquerez la Dreamcast, elle est un peu plus profonde à l'intérieur pour mettre le CD. Elle est blanche aussi. Et le CD tourne dans le même sens que l'autre. Vous remarquerez ça. C'était dans les anecdotes qu'on nous avait distribuées chez Blockbuster quand on nous avait présenté la Dreamcast. Finalement, ces gars ont carrément flushé sa Dreamcast. Non, c'est pas le public qui l'a flushé. Trop facile, pas de mérite. Non, trop facile. En parlant de flush, Alex, t'en as découvert une bonne cette semaine. Oui. Eh ben oui, en parlant de flush, un bug, un fameux bug dans Mario Kart 7, je pense qu'il y en a qui sont déjà au courant de bugs qu'on peut trouver malheureusement sur YouTube dans la course de la Coupe Étoile, le Star Cup, la quatrième course, qui est une course carrément en forme de sprint de point A à B. C'est Macau qui est basé sur Wii Sports ou Pilot Wings. Et la façon qu'on pouvait prendre un détour pour plonger carrément dans une eau violette, ça nous faisait passer du début d'une caverne à la fin de la caverne. Et le temps qu'on mettait justement à faire cette caverne-là, c'était assez intense. Et avec le truc de partir en boost, c'était inévitable que beaucoup de joueurs allaient se servir de ce bug-là. Malheureusement, Nintendo ne va pas patcher ça. On avait expliqué justement la dernière fois que vu que là, le jeu est sur une cassette, ben malheureusement, ce bug-là va rester pour longtemps dans Mario Kart 7. Donc, si vous avez des communautés de joueurs, vous allez savoir qui utilise ce bug-là. Donc, arrangez vos tournois pour que ce bug-là soit pas utilisé parce que ça va aller mal. Donc, un bug dans Mario Kart 7 qui est assez sévère. Tu tombes au début de la caverne, puis tu ressors à la fin de la caverne. Ouais, quand tu réussis à prendre le boost avec le champignon, c'est forcément que tu as soit un champignon ou une étoile pour vraiment passer dans l'eau violettée à peu près, puis là tu récupères en haut carrément de la sortie de la caverne, pas loin du fameux troisième début de troisième section, parce que les courses de A à B sont divisées en trois sections comme les trois tours, donc c'est vraiment décevant. Là. Méchant bug. Hey, je me rappelle encore l'époque quand on avait eu un bug avec Dr. Mario, puis il avait fallu qu'on retourne nos cassettes pour se les faire rembourser. Mm. Mais malheureusement, c'est un bug qui était certainement pas prévu dans Mario Kart 7. Puis malheureusement, tout le monde, je dis bien tout le monde, va commencer à l'utiliser. Même moi, j'ai comme plus le choix, je peux vraiment pas. Il n'y a rien à faire, même si tu utiliserais une coquille bleue ou des éclairs et tu ne serais pas capable de rattraper le plus habile des joueurs. Tricheur. Malheureusement, non, c'est ça. On parlait vraiment du hacking, ben c'est vraiment ça fait un parallèle. Tricheur, c'est quoi qu'il paye? Quelqu'un qui a découvert qu'on pouvait sauter dans une caverne dans Mario Kart ou quelqu'un qui prend la carte de crédit de sa mère pour acheter un bazooka pour jouer dans Battlefield 3 pour pouvoir nous exploser la tête en 2 secondes puis le petit cul a rien que 12 ans? C'est ben moi je dirais qu'il y a besoin. D'avoir des meilleurs parents, voilà. Lancer une petite nouvelle comme ça par rapport à la 3DS, j'en parlais justement, ben on parlait aussi de la PS Vita qui va accueillir Rayman Origins comme jeu de lancement. Donc Rayman Origins va être disponible également sur 3DS dès le 15 mars. On sait que Rayman, ce jeu-là, a été très, très bon comme succès critique, mais que c'est tellement pas bien vendu. Le prix était très, très, très élevé. Et il n'y a pas eu une campagne publicitaire vraiment superbe. Il a été sorti en même temps que Assassin's Creed Revelation, de jeu d'Ubisoft en plus. Donc, Rayman, qui va être sur portable, donc c'est un deuxième Rayman qui va être sur 3DS, qui est le Rayman 2 en fait. Là. Donc, ça va être bon. Sérieusement, dès que je le vois à un bon prix, là, je sais pas s'il est déjà un très bon prix pour l'acheter, mais je vais me le procurer celui-là. Là. Oh, vous allez acheter ça, vous autres? Rayman Origin, ben oui, je suis un fan de Rayman. Là. J'adore l'univers. C'est ça. Pendant que tu parlais, j'avais juste en tête, est-ce que je vais laisser Skyrim, Forza 4, Batman, Deus Ex, Star Wars... Non, c'est un jeu qui dure quand même... Est-ce qu'il y a de l'argent tant que ça? Non, mais c'est un jeu, c'est un petit jeu qui dure quand même... supposément 10-12 heures, mais avec des amis, c'est hyper long à ce qui paraît, c'est drôle au bout, l'humour est omniprésente, mais le jeu est beaucoup trop cher pour ce genre de jeu-là. C'est justement le problème que j'ai avec Mario Brothers Wii, les jeux de plateforme ne sont plus assez longs pour être vendus à 60$ sur des consoles. Je pourrais sortir ça en WiiWare pour un 29,99$, puis je te jure... justement, c'est pour ça... C'est pour ça que je l'attends sur 3DS à la place parce qu'il va être moins cher, c'est le même jeu. Effectivement. Je peux parce qu'ils viennent pas me faire croire que les coûts de production de Rayman Origin sont égaux à des coûts de production d'un jeu comme genre Elle est Noire ou. Non, c'est même pas un jeu 3. Là, pour le même prix, hey, tu me prends pour quoi une valise? Non, c'est pas un jeu 3A, puis c'est un des meilleurs jeux qui a eu parmi les meilleures critiques de l'année, avec Arkham City, Skyrim, puis tout ça. Rayman Origins a été complètement mis dans l'ombre à cause du succès commercial des autres jeux. Fait que c'est ça, mais j'ai vraiment le goût d'essayer de Rayman Origins, puis même Bruno Georget en avait parlé, puis je pense que c'était Carl Tremblay qui avait fait la critique sur Monsieur Net, puis les deux avaient vraiment aimé l'expérience, fait que... puis ils nous en avaient parlé, puis sachant que c'est une bonne source. Donc, Rayman Origins, je vais l'essayer à un moment donné, je vais essayer de vous en parler dès que je l'ai. J'ai pas entendu une seule mauvaise critique, moi, de Rayman Origins, excuse-moi. En là, plus, puis même Sui.com l'avait adoré. C'est, ça n'a pas de bon sens. C'est un des jeux des mieux cotés qui n'est même pas assez joué. Je trouve ça vraiment de valeur pour ce jeu-là, là. Ah, pas dit que c'était pas bon. J'ai juste dit, est-ce que je vais laisser mes jeux AAA là, pour acheter ça tout de suite? Là, non. Je vais attendre un 6 mois, puis quand je vais voir qu'il est 19,99$ chez Big Game dans le boot, jusqu'à tous les rabais, je vais peut-être l'acheter rendu là, c'est ça. C'est ça. C'est trop risqué d'acheter ce genre de jeu-là en ce moment, quand t'as plein de 3A. C'est sûr qu'il n'est pas sorti au bon moment, mais malheureusement, il est bon, fait que c'est ça. Malheureusement. Heureusement qu'il est encore là. C'est malheureusement, c'est ça. Fait que voilà. En parlant de jeux vidéo, je sais pas si vous en avez entendu parler. On a eu un palmarès des jeux les plus piratés de 2011. Non, ouais, hey, c'est vrai, j'ai oublié de t'en faire parler, vas-y. Ben c'est ça, comme à Chenille, il y a un site qui s'appelle Torrent Free qui font un classement des jeux les plus piratés au cours de l'année. Ouais. Puis Pour les jeux PC, le numéro 1, c'est Crysis 2 avec 3 909 920 000 exemplaires téléchargés également. En deuxième position, on a Modern Warfare 3 avec 3 605 000. En troisième, on a Battlefield 3 avec 3 510 000 exemplaires téléchargés. En quatrième, on a FIFA 12 avec 3 390 000 exemplaires. Et en cinquième, on a Portal 2 avec 3 millions. Ouais. Aïe. Il était donné. Il est pas cher. En plus, sur Steam, tu regardais ça dans les temps des fêtes. Il est vraiment pas cher. Dans le temps des fêtes, ils ont plein de spéciaux. Ils l'ont vendu un moment à 7$. Ils l'ont vendu à 15$ au lieu de 30. Ben là, c'est bien niaiseux. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu à 15$. Ben oui. Et non, ensuite, moi, c'est Kinect Sport Season 2 sur la Xbox. C'est tellement niaiseux. Je l'ai vu. Comment le monde va télécharger ça? Ouais. Ah, il est 39$, il est même pas 59$. Là. 39,99$ le jeu. Puis sur Xbox 360, la liste est quand même assez semblable. Mais... Gears of War 3. Puis après ça, naturellement, Call of Duty puis Battlefield, donc il n'y a pas de changement. Puis là, il y a Forza Motorsport 4. Ça me surprend un peu. Avez-vous remarqué? Pas de palmarès PS3. Non, mais le PS3, ça se pirate comme pas. Mais il n'y a pas Sony n'est pas content quand tu réussis à le pirater. Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de Batman, puis il n'y a pas de Skyrim. Non? Il n'y a même pas Skyward Sword pour la Wii. C'est Super Mario Galaxy 2 qui a encore la palme cette année. Ah, il n'y a pas Deus Ex. Il n'y a même pas Deus Ex non plus. Mais un que je ne suis pas surpris, Xenoblade. Chronicles, c'est un excellent RPG. C'est ça. Puis supposément qu'il s'en vient pour les États-Unis. Donc, voilà. On n'a pas de nouvelles pour le Canada. Je me suis renseigné au eBay Game, à chez eBay Game. Et aucune nouvelle pour le Canada pour la vente. Ça me rappelle justement quand Metroid Prime Trilogy est sorti, puis que là, il était unilingue anglais, puis au Québec, il ne pouvait plus être vendu. Fait que on a failli avoir le même problème avec Paper Mario, hein? Ouais. Ouais. Parce que il était sorti à peu près au même moment que la loi est entrée au Québec, fait que. En 2007. Donc. Demon's Soul aussi, je pense. Ouais. Je suis pas fou. Ouais, Demon's Soul, c'était ça qui était. Demon's Soul avait été bloqué après comme un mois, hein? C'est ça. Yeah. Mais la loi ne s'applique pas quand il n'y a pas de version française exclusive. Ou quand il n'y a pas une version française qui est disponible. Ce qui est arrivé avec Winter Prime Trilogy, c'est qu'il était sorti en Europe avant ça. Donc, c'est le même jeu, donc c'est pour ça. Mais Zelda, quand tu joues à Skyward Sword, tu vois que ça a été traduit en Ontario parce qu'ils essayent de copier le sacrage québécois. Ils disent tabarouette et ainsi de suite. Là. T'as vraiment un personnage qui sacre dans québécois. Galaxy 2. Pour Mario Galaxy 2, il était fait en France, mais Mario Galaxy 1 était traduit vraiment au Canada. Donc, Ouais, ça me fait toujours rire quand je vois dans un jeu des expressions québécoises, tu sais, oh, je sais bien, ou tu sais, là, ils mettent des apostrophes où ils sont pas supposés pour faire vraiment des expressions québécoises, c'est super le fun. C'est ça, le gars de la malle, tu sais, le tuto de la malle. Le gars de la malle, ouais, c'est ça. Hey, tantôt, on parlait de Final Fantasy, y en a-tu qui vont vouloir aller chercher Final Fantasy 13-2, le démo mercredi? Ben, le démo, oui, moi. Ben, j'ai même pas été capable de finir le Final Fantasy XIII, il était trop plate. Hey, oh boy. En ce moment, il donne à 9,99 chez eBay Games. À 9, à 10$, ça vaut la peine, mais moi, quand je l'ai payé 70$, je me suis fait fourrer, je pense bien. Ouais. Surtout quand je passe les 40 premières heures à courir dans un couloir et à battre des ennemis. C'est ça. Ah, tu te bats avec des cubes qui sautent et qui bougent, là. Mais c'est juste un cube, c'est l'ennemi. Non, mais le jeu, il a baissé de prix quand même assez vite. Là. C'est comme... En 2 mois, il est tombé à 30$. Fait que... Eh mon Dieu! Non. 2 mois après, il était à 29,99$. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui l'ont aimé puis d'autres qui l'ont vraiment aimé. Les puristes de la série, fais-moi confiance. Je pense que les puristes de la série ont peut-être vraiment aimé, c'est certain, mais sinon... Eux ont détesté. Ah, c'était le contraire? Ok, je me suis mal renseigné dans ce cas-là. Mais c'est ça, c'est assez mitigé comme succès. Donc, mais est-ce que l'épisode 2 va être meilleur? Je ne sais pas. Mais là, ça va arriver peut-être comme Sonic et The Hedgehog, épisode 1, 2, 3, puis après ça, on va en épisode 4. Là, fait que tu sais. Ben, moi, je dis que le monde va peut-être aimer si ils ont changé la façon de faire, comme quoi tu es tout le temps dans un couloir. Tu avances tout le temps dans un couloir, tu n'as pas le choix, tu peux pas aller à droite, tu peux pas aller à gauche, tu peux pas. Tu n'as aucune liberté dans. C'est comme une histoire interactive. Linéaire, dans le fond, carrément. C'est ça. Hey, c'est genre Metroid Other M, c'est ce que j'ai lu. Hein, c'est ça que le monde n'y a pas aimé, puisque toutes les autres Final Fantasy, tu peux te promener dans le monde. Tu peux toujours aller, tu peux retourner en arrière, tu peux avancer. Tandis que dans le 13, tu avais juste un chapitre où tu pouvais te promener un petit peu dans le monde, puis après ça, ça recommençait les couloirs. Ah, écoute, c'est ridicule, là, j'ai joué, ben, personnellement, j'ai joué 103 heures, puis je me souviens très bien, parce que c'est là que j'ai dit, non, là, c'est fini, là. J'ai joué 103 heures à ce jeu-là, puis 103 heures, ça a été des couloirs. Tout le monde me disait, tu vas voir plus loin, tu vas voir, ça va être ouvert, tu vas faire du grinding. Écoute, 103 heures de couloirs, là, j'ai pas envie d'aller plus loin rendu, là. Non, c'est ça. Franchement, là. Parce que le mode de combat, il était super. La façon de jouer, j'ai adoré le dynamisme des batailles, mais les couloirs, à un moment donné, tu t'aimes. Ouais. Les mondes ouverts, c'était pas pire, mais dès que tu rentrais, je sais qu'il y avait un bout, il y avait une fonderie de métal, il y avait des places comme ça, là, tu le voyais clairement, là, c'était ridicule. Mais tu sais, dehors, je pense qu'il y a un moment donné, il fallait que tu te battes avec contre des soldats pas loin d'un stade. Ça, c'était super le fun, par exemple. Oh, l'histoire était bonne. C'est ça. Les cutscenes étaient écœurantes. Ouais. Le système de bataille était. C'est juste vraiment les couloirs. C'est ça qui a tué le jeu. C'est ça. Pas de ville. Toutes les autres Final Fantasy, t'as toujours eu des villes. Des villages, quelque chose. Là, il y a rien. Il y a des villes, mais c'est un couloir dans la ville. C'est pas. C'est ça qui on parle souvent des jeux qui sont sortis trop rapidement, on dirait, je sais pas. Là. Est-ce qu'on sort des jeux trop rapidement aujourd'hui? Ben, ça, c'est définitif. Call of Duty, mais, hein? C'est ça, un par an, tu sais. Un par an. Ah, c'est ça. T'en as un par an. Call of Duty, t'en as un par an. Assassin's Creed, Battlefield, t'en as un par an, mais tout dépendant de la série. Ouais. Assassin's Creed, ça va être, c'est ça, là. Non, là, t'as 2009, 2010, puis là, t'as 2011, fait que là, puis il y en a un autre supposément, fait que... Ah non, moi, j'ai aimé l'Assassin's Creed, j'ai aimé toute la fun. C'est sûr que c'est plus rapide à sortir un jeu quand ton engin est déjà fait, tu sais. Moi, je pense pas que c'est botché tant que ça. L'engin est fait que tu crées une ville, tu crées des dialogues, une histoire, paf, tu sors un autre jeu, là. Ben, en fait, les Assassin's Creed, eux autres, t'as deux équipes qui travaillent sur deux jeux séparés différents. Aussi. Fait que c'est pas si rapproché que ça. Si tu checkes chaque jeu séparé, t'as 2 ou 3 ans peut-être par jeu. Fait que finalement, ils sont pas pitchés comme Dragon Age 2. Là. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour revenir à Final Fantasy, comme tu disais, Alex, je pense pas que c'est un jeu qui a été lancé trop tôt ou peu importe la raison. Je pense que c'est. À un moment donné, il faut arrêter de dire que le jeu a été sorti trop tôt puis juste dire qu'ils ont manqué leur job, Colin. Oui, ils ont juste scrappé le jeu. Ils pensaient que ça aurait été correct. Puis j'ai pas l'impression qu'une compagnie comme Eidos est vraiment tant que ça sa pression avec les éditeurs et compagnie. Square Enix et Eidos, là, bien sûr. Juste pas bon, selon moi. C'est pas un problème de temps ou rien. C'était juste plate. Ils ont essayé de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Mais là, c'est ça. Mais ça me donne pas plus le goût de jouer à Final Fantasy. J'ai jamais joué à Final Fantasy. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais t'as quand même Tomb Raider qui s'en vient de la gang d'Eidos aussi, là. Hitman, écoute, il y en a des bons jeux qui s'en viennent. T'as le nouveau Hitman. Ouais, justement, t'as le nouveau Hitman qui s'en vient. Eidos Montréal travaille sur Thief 4. Ça, je pense que je vais l'essayer. Waouh! Ça va être cool, ce jeu-là. Hey, je pense à ça en parlant de Final Fantasy. Ils vont sortir le Final Fantasy X HD sur la PS Vita. Pourquoi pas le 7? Le 7 on demande depuis des années. Ouais, mais ils gardent ça de même, ils font parler de monde. C'est ça. Ça garde la licence active. Quand que je vais dans une... Parce que moi, Final Fantasy VII, je l'ai. Mais bon, vu que j'étais un méchant garçon il y a quelques années, mon Final Fantasy VII était... était sans pochette dans un sens. Et pour j'ai pas le vrai Final Fantasy VII. Ah, ok, ça c'est la série spéciale de Final Fantasy VII que sur le CD c'est écrit Memorex, hein, c'est ça? C'est ça! C'est l'édition spéciale collector, ça, je pense. C'est ça! Et quand je vais dans une boutique, comme moi, j'ai Game Over à Saint-Hubert, si je veux me le procurer, il est 70$. Aïe, tu vas chez Game Buzz ou chez Game Zone à Verdun, il est aussi le même prix. Ben, va chez moi, j'ai pogné à 10$ sur le PS Store il y a 2 ans. C'est ça, puis ça me rappelle vraiment quand j'ai vu Super Metroid à 40$ chez Game Boy. C'est vraiment, je fais comme, aïe, si j'avais encore ma Super Nintendo, là, Super Metroid, là, je l'aurais acheté dessus, puis j'aurais été prêt de vendre ma Wii. Quasiment, là. Puis, mais de toute façon, j'ai encore Metroid Prime Trilogy, fait que c'est une raison de garder ma Wii, là, en attendant la Wii U. Mais, non, sérieusement, s'il y a des jeux vraiment que tu vas avoir, le vrai Game Pack. Mais c'est ça. Non, c'est ça. Comme moi, les Final Fantasy, je les ai toutes originales encore. Ça va pas depuis le premier, tu sais. Oh! Ça. T'as même su du Super Nintendo? Ouais. Garde-les, hein, ça vaut une fortune, hein. Ça va valoir 300$ à un moment donné, là, c'est sûr. 60? Admettons. Ouais, le double, le j'ai dit 300. Ben, Final Fantasy 2 et 3 sur la Super Nintendo, c'est au moins 80-100$ sur eBay. Ouais, puis je me suis informé l'autre fois, juste comme ça, chez Micropay, ils donnent 14$ pour le jeu. Ouais. Micropay et eBay Games, c'est les pires places pour vendre un jeu usagé. Je sais pas pour vous autres, là, moi, Star. Je suis d'accord, il n'y a absolument rien. Si j'ai à revendre un jeu, c'est chez Best Buy ou chez Future Shop. Au moins, j'ai un certificat cadeau qui me donne une chance d'acheter autre chose que des jeux. Effectivement, c'est vrai ça. C'est ça qui est le fun. Je me rappelle, j'avais besoin d'un disque dur portable et Gran Turismo 5, selon tout le monde et surtout moi, c'était Gran Turismo 4 en version HD. J'ai ramené mon Gran Turismo 5 et j'ai réussi à acheter le disque dur portable que j'avais besoin pour un beau gros 0$. Wow! Papi! C'est pour moi, beaucoup plus avantageux d'amener mes vieux jeux chez Best Buy que de les amener chez Big Game qui est à côté de chez moi ou chez Microplay. Là. En fait, c'est parce que Best Buy et Future Shop, ils commencent là-dedans, ils essaient de se faire une place. Fait, c'est sûr qu'ils vont donner des meilleurs prix. Là. Ouais. Mais Big Game, c'est pas compliqué. Tu n'échanges pas n'importe quel jeu. Chez Big Game, il y a une liste qui s'appelle la liste Most Wanted. Ouais, c'est ça. Puis là-bas, il y a certains jeux sélectionnés que là, tu as un crédit de malade mental parce qu'ils ont besoin de ces jeux-là. Mais ouais. À part de ça, si c'est ça pas sur pas, cette liste-là, oublie ça. Là. Ça, tu vas pas leur porter. Je m'en souviens, j'avais vu Prime Trilogy carrément, Metroid, à 40$ dans le crédit. 40$, c'est le plus haut que j'ai vu. Fait que c'est ça. À 40 pour un jeu qui t'a coûté 59, moi je trouve que c'est très acceptable. Ouais, mais il est plus vendu non plus, là. Il est même plus vendu, il est discontinué. Je le trouve sur YouTube, sur eBay à 80$, puis j'ai même vu une version signée Legend Virtual Studios à 400$, fait que. Oh boy. Puis c'est un package métal en plus, là. Fait que c'est ça. Je pense que. Non, c'est ça. Je pense que ça couvre assez bien les jeux en général pour LOL. Je sais pas. Là. Parce que. Ben, je sais que moi, je me rappelle, comme Fred D disait, ça dépend de la liste des jeux. J'avais été porté un NHL et on m'avait à peine offert 50 cents. C'est ça. Non, c'est ça, oui. Ils m'ont déjà donné, je pense, c'est 15 cents pour un jeu. C'est 15 cents? C'est comprenable. C'est comprenable. Qui va l'acheter quand le 12 est sorti? Personne. Ben, c'est ça. Voilà. Ils sont poignés avec, là, fait qu'ils ne donneront pas 15 piastres certains. Ben, jeux de sport, je sais que j'en connais. Moi, quand c'est des petits-enfants de 6 ans, ils s'en foutent là, de que le jeu soit pas de l'année, là, tant qu'ils peuvent jouer avec. Voilà. Il n'y a pas autant d'enfants de 6 ans qui achètent des jeux de sport que des gars de 20 en montant, tu sais, on s'entend. C'est ça. Non, je sais bien. Ouais. Mais, en tout cas, De toute façon, moi, j'en revends plus parce que c'est pour le même problème que les consoles. Des fois, tu regrettes des ventes, des fois, là. C'est ça, tu regrettes des ventes, tu les rachètes un petit peu plus cher après. Puis en même temps, avec la rétrocompatibilité, ben tu gardes tes consoles. Puis après ça, quand tu vends ta console qui est rétrocompatible pour une nouvelle plus puissante, là, tu peux rejouer à ce jeu-là, t'es dans la merde. Ben, c'est ça. Surtout des jeux que tu as adoré, des jeux qui ont reçu des prix, comme tu sais, Batman Arkham City. Oui, tu te dis, bah, peut-être. Là, je joue plus, est-ce que je vais rejouer cette année? Bof, non, je vais aller leur vendre, ils vont me donner 45$. Mais dans 5 ans, quand tu vas repogner ta petite Xbox, puis tu vas dire, ah, j'ai envie de faire du rétro gaming, c'est à quoi que tu vas jouer? Tu vas vouloir jouer à Batman. C'est pour ça que j'ai ma Wii, justement, c'est pour le rétro gaming. Comme à peu près tout le monde qui a une Wii qui est assez intelligent. Fait que c'est ça. C'est ça. Donc, tu fais un budget pour tes jeux, puis écoute, t'en achètes moins, mais au moins t'es gardes, tu fais les achievements, tu te concentres dessus, tu joues pas 8 heures la campagne, puis tu le remets dans ton armoire, parce que là, tu viens de gaspiller 60$ quand tu fais ça, on s'entend. C'est ça, c'est ceux qui ont acheté Battlefield 3 qui n'ont pas d'online, donc... ceux qui s'intéressent, Van Halen, le 15 mars, au Centre Bell, si vous êtes des fans de Van Halen, si vous aimez le bon rock, les billets sont en vente, ça coûte cher, mais si vous aimez ça... Allez-y, c'est ma news musicale de la semaine. Si vous voulez payer très cher pour voir des papis utiliser une guitare et un drum, foncez. Et pour ceux qui veulent entendre la musique orchestrale, il y a toujours le concert de Legend of Zelda pour les 25 ans de la série qui va être à Montréal également le 31 mai, si je me trompe pas. Donc, les geeks, les fans de Zelda... Je vois même pas Zelda Symphony. Ça a comme créé une vague dans notre monde geek. Ben là, c'est comme si... Après Barcraft, je pense que ça va être le rassemblement des geeks cette année, là. Ah, c'est certain, puis si jamais il y a un festival de jeux vidéo, je sais que Talbot puis Roson en parlaient beaucoup, là. Gilbert Roson, qui est le président de Juste pour Rire. Moi, je suis pleinement d'accord, puis le meilleur porte-parole pour ça, ça va être Denis Talbot, ça serait lui. Oui. Ah ben oui, c'est sûr. Mais la meilleure personne aussi pour organiser ça, c'était Gilbert Roson. Je sais que là, je vais peut-être me faire lancer des pierres. Ben, je suis pleinement d'accord avec ça. Oui, ok, je suis d'accord peut-être avec toi, Fred, pas pantoute, le gars connaît rien dans les jeux vidéo. Non, c'est pas ça que je veux dire, je te lancerai pas de rush, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que j'aime mieux que ça soit Gilbert Roson qui organise un festival d'envergure, qu'un ticoun qui organise Arcadia, puis qui se met à voler du monde parce qu'il est pas capable de rentrer dans son argent. Moi, un gars qui a du cash comme Gilbert Roson, moi je sais que je vais avoir un festival de qualité. Ça. Puis le gars, ça fait 30 ans qu'il fait son festival Juste pour rire, fait que d'après moi, là, il sait comment organiser un festival. Le gars va savoir de qui s'entourer. Si le gars, il a parlé avec Denis Talbot, là, c'est parce qu'il sait à qui qu'il fallait qu'il va parler pour organiser ça, là. Fait que il savait déjà où mettre ses cartes sur table. Là. S'il n'avait pas parlé à personne, puis il avait juste parlé à son CA de JPI, puis bon, on organise le festival du jeu vidéo de Montréal, tout le monde, lancez-nous vos idées. Ben, on va inviter des popounes, puis on va leur faire vendre les jeux de EA. Excusez-moi, mais les années que le E3 essayait de faire ça, vous vous rappelez que ça l'a été à la baisse. Fait que non, s'il a été voir... Les bons clichés, là, tu sais, les bons gros clichés. C'est sûr que, OK, la gang de le Montreal Comic Con aurait pu peut-être aussi faire la gestion de ce festival-là. Mais y aurait-tu eu les reins assez solides pour organiser deux festivals? Je sais pas. Fait que sérieusement, je suis bien content que ce soit Gilbert Roson qui soit... Aussi, au Comic-Con, on s'entend qu'il y en a des jeux. Là. Il y avait une boîte, si je suis pas fou, il me semble qu'il y avait des boîtes à jeux là-bas. Si je me trompe, dites-moi là. Il me semble qu'ils ont mis ça un petit peu. Ouais, selon ce que je me rappelle, il y en avait eu quand même certains là, qui avaient des kiosques de jeux. Fait que... Il me semble, quand je regardais G4, il y avait des entrevues avec les gars d'Ubisoft quand ils faisaient le coverage. Puis... Anyway. Hein, selon IGN, Diablo 3, qui pourrait être disponible pour le 1er février. Même 3, parce qu'à ça, il y a les mini Montreal Comic Con. J'ai entendu le mois de juillet, moi. Ouais, ben c'est ça, il n'y a pas de bêta. Ouais, ben, selon Best Buy. Non, regarde, il n'y a pas de bêta encore. Ben, c'est difficile parce que pourtant, c'est le Best Buy à Rochester, au Minnesota, donc. Ouais, ben, qui avait l'annonce de Diablo 3. Ah non, regarde, le 1er février, mais il n'y a rien de confirmé par Blizzard encore. Là, fait que... Ah, écoute, quand je travaillais chez EB Games, là, les dates de jeu dans mes systèmes, ça changeait à tous les jours. Là. Au début, je me fiais à ça, puis là... là... ah non, non. Hey, même IGN, si tu vas sur le site, des fois, tu vas voir, les dates, là, c'est comme... quand ils sont pas certains, ils écrivent le 31 décembre de l'année. Il fallait voir, justement, j'ai posté la critique de Black Keys, El Camino, sur le blog LPSN, donc on va avoir le lien disponible. Donc, voilà. Ouais. Allez commenter surtout. Là. Hey, non. Oui, allez poster. Hey, Alex, je vais t'étirer ça un petit peu musical. Ouais, voyons donc. On a oublié de parler de Black Keys. Ben oui, ben c'est ça, mais j'allais justement en parler. Ben, on n'a même pas parlé de notre volet musical. Ça va bien. Mais je vais juste faire ça vite aussi. Kiss, justement, qui va mettre la touche finale sur son album, son 20e disque, Monster. Donc, les Kiss, bientôt de retour sur scène. Et The Black Keys, qui a causé une certaine controverse. Vérité, devrais-je dire, sur Nickelback, qui est une vraie merde. Mais donc, Fred, ben oui, j'ai entendu ça. Ben oui, j'ai entendu ça. Le chanteur, hein, je crois que. Ou le drummer, c'est, je sais. C'est le drummer, Patrick Carney, qui avait dit ça. Ouais, qui aurait dit que le rock and roll est en train de mourir à cause des groupes comme Nickelback, qui font de la pure merde, puis qui sont en train de fausser les mentalités des gens à savoir c'est quoi le vrai rock and roll. Moi, j'ai trouvé ça. Il y a des couilles, le gars, de faire ça. C'est enfin vrai, quelqu'un qui va dire publiquement une vérité, parce qu'on s'entend que Nickelback, c'est un beat. Puis 28 CD, là. Comme l'autre ajoute, il a dit Nickelback, pour lui, c'est la même tune depuis 10 ans. C'est ça. Ben, c'est ça. Exactement. Mais Black Keys, j'ai écouté le dernier CD, là. Ouais. Aimé ça. Ben oui. Oh my God. Et c'est pourtant, vraiment comme bon. J'avais déjà dit dans les podcasts précédents, moi, à part Bon Jovi, il n'y a rien à mon iPod, là, presque. Là. Puis à part quelques tunes francophones, mais ça, c'est à cause de ma copine, là. J'ai aimé ça, Black Keys! Oui, c'est super bon! Ça m'a remis au goût Deep Purple et Led Zeppelin. Il y a une tune sur El Camino, c'est Little Black Submarine. Ça me fait extrêmement penser à Stairway to Heaven. C'est exactement ça. Début acoustique. C'est super bon en plus. C'est tellement bon. Gold on the Ceiling, qui est très bon. Un bon album qui m'a moins marqué que Wasting Light des Foo Fighters. Mais les deux albums, c'est vraiment deux excellents albums à posséder. Si vous aimez le vrai rock, là. Pas Nickelback, là, mais vraiment. C'est ça. Mais Nickelback, là, juste ses fans à eux, c'est là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que volet musical, c'est très très bon. Ah ouais. Tant qu'ils vont passer par-dessus Black Keys dans des galas et des trucs style les MTV Awards, là, le monde va encore les écouter parce qu'ils vont penser que c'est ça qui est populaire puis c'est ça qui est bon. Mais il y a tellement de stock underground qu'on parle pas dans ces galas-là puis ces affaires-là. C'est tellement des shows faits pour vendre. Plus pour servir les artistes que d'autres choses. Là. C'est ça. Bon, ben, on finit ça là pour de vrai, les gars. Oui, je pense que ça couvre pas mal notre semaine. Ouais. Notre première grosse semaine. Bon, ben merci les gars. Alors, c'était Patrick Archambault, au commercial Actacus sur Twitter. C'était Alexandre Armont, l'X89. C'était Sir Maximum sur Twitter. C'était Fred Anon sur Twitter. Et le meilleur pour la fin, j'attendais quand même. Ici Stephen Harper, en Frédéric Desmanche, at QC Fred sur Twitter. QC parce que c'est de Québec, tu sais. Puis Fred parce que c'est mon nom. Fait que c'est QC Fred. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce première émission officielle. On se retrouve pour le prochain podcast samedi prochain. Sur ce, salut tout le monde! Salut! Au revoir! Au revoir!